Bonjour, voici le 49e épisode du podcast des Nous. Le podcast des Nous vous est présenté par les Nous. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety, créé par Twin Musicom, dont vous pourrez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au le podcast des nous, en un mot, .blogspot.ca. Vous pouvez aussi rejoindre nos médias sociaux au forum, en un seul mot, le podcast des nous, .probb.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel avec, en un seul mot, le podcast des nous, @hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Bonjour, je vais maintenant vous parler de Ramen Head, un documentaire sur les ramen, ou plus spécifiquement sur que quelques cuisiniers, surtout un, qui tiennent leur restaurant de ramen. Comme bien des amateurs de ce plat typiquement japonais, les plus grands chefs se doivent d'être eux aussi obsédés par les ramen. Le documentaire suit donc principalement le quotidien de celui qui tient un restaurant de ramen qui, pour 3 années consécutives, a été reconnu comme le meilleur restaurant de ramen du Japon. On le voit préparer son ramen, s'attardant aux détails. On le voit aussi un peu ses jours de congé, pensant encore au ramen. On voit aussi quelques autres chefs tenant différents styles de restaurants avec d'autres variétés de ramen. On a aussi un extrêmement bref historique des ramen. Le documentaire aurait pu être plus approfondi. On ne voit qu'assez peu les autres chefs. On ne parle pas tant des différentes variétés de ramen, on reste pas mal tout le long du point de vue du restaurateur, on n'entend que bien peu les avis des clients, mais cela n'empêche que c'est très intéressant. Pour quelqu'un qui s'y connaît bien plus que moi, on peut apprendre des trucs pour essayer de faire ses propres ramen, et puis c'est tout de même un quotidien intéressant. Il y a bien quelques courts moments où ma petite nature était un peu dégoûtée, quand on voit les cuisiniers jouer avec des os ou des carcasses dans la préparation de leur bouillon. Mais cela n'empêche que tout ça semble principalement délicieux. Je n'ai d'ailleurs pas résisté à la tentation de me faire un bol de ramen instantané et de le manger pendant que j'écoutais ce documentaire. Ce n'est pas facile de lire des sous-titres en mangeant un bol de ramen. Cela me redonne à nouveau encore plus l'envie d'expérimenter un jour de vrai ramen d'un vrai bon restaurant, mais ma seule expérience en restaurant jusqu'à présent ayant été très moyenne. Si quelqu'un connaît un bon restaurant de ramen à Montréal, je suis tout oui. Mais aussi intéressant que ce soit, il n'empêche que cela manque un peu de profondeur et bon, même un excellent documentaire et rarement un film extraordinaire, à mon humble avis. Désolé d'afficher les documentaires aides, mais voilà. Un bon documentaire est intéressant et instructif, rarement une passion, ce qui en fait un très bon divertissement, mais pas tellement plus. Pour ceux qui se souviennent de mes notes, sur 5, je donne 5 à un chef-d'œuvre, 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 à un divertissement honnête, 2 à une œuvre moyenne, 1 à une œuvre mauvaise et 0 à une nullité absolue. Je donne donc à ce documentaire, qui est un divertissement très correct, une note de 3 sur 5. Nous avons hâte de vous revoir. À la prochaine!